Tu m'oublieras. Tu m'oublieras. Sans même t'en rendre compte. Tu m'oublieras. Tu m'oublieras. Car notre amour s'estompe. Tu m'oublieras. Car d'autres yeux brilleront d'une nouvelle rencontre. Tu m'oublieras. Car c'est la vie de voir ailleurs son vrai bonheur. Tu m'oublieras. Tu m'oublieras, à force de dire, je comprends pas ce grand besoin de liberté qui t'empêche de t'arrêter. Cette idée folle qui est mienne de vouloir plus que d'être heureux, et pardonne-moi si tu le peux, de vouloir plus qu'un je t'aime. Même si c'est triste, même si les mots font si mal quand ils ne comprennent pas.